yeah! C'était Axel Red et Renaud avec Manatal Kaboups. On continue cette matinale avec l'éphéméride de Chloé. C'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Chloé. Pour bien commencer le week-end, je vous propose un petit éphéméride. Aujourd'hui, samedi 2 mai, c'est la journée mondiale du scrapbooking. Alors tous à vos crayons, vos colles, vos paillettes pour nous faire le plus beau des scrapbooks. Nous souhaitons tous une bonne fête au Boris aujourd'hui. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, sachez que vous partagez votre anniversaire avec plusieurs personnalités. Tout d'abord, le chanteur Serge Reggiani, qui est né en 1922, mais également l'homme politique Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. La styliste italienne Donatella Versace. C'est également l'anniversaire d'une actrice que j'aime particulièrement puisqu'elle a joué dans mon film préféré Amadeus. C'est Elizabeth Berridge qui joue Constance Mozart, la femme de Mozart. Pour tous les amateurs du 7e art, c'est l'anniversaire du réalisateur de 99 ans, Jean Kounen. Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne, qu'est-ce que tu dirais ? Attends, est-ce que tu me le dis là ? Oui, je te le dis, oui. Vas-y alors, je t'écoute. Ah ben, j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne, tout simplement. Mm-hmm. Ben oui, bien sûr. Très bien, je t'ai bien entendu là, là-dessus, j'ai envie de te dire plusieurs choses. Alors vas-y. Est-ce que tu as coqué avec quelqu'un d'autre ? Pour les amateurs de films d'action américains, c'est l'anniversaire de Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock. Dans un registre un peu plus théâtral, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'acteur, danseur, metteur en scène et également petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierry, que vous avez pu voir notamment dans le film Chocolat avec Omar Sy. Si vous êtes amateur de football, eh bien sachez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de David Beckham. Pour tous les fans de The Office, et je sais qu'ils sont nombreux, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eli Kemper, que vous avez également pu voir dans la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Unbreakable. Fascinating transition. Damn it! Si vous êtes né dans les années 90, il y a une chanteuse que vous n'avez pas pu louper. C'est la chanteuse Lori qui fête aujourd'hui son anniversaire. Ça y est, c'est le week-end, bébé, super week-end. C'est comme ça qu'on les aime. Faire le plein d'énergie, c'est comme ça, c'est le week-end. On veut des habillés pour finir nos week-ends. Une autre chanteuse de qualité, mais cette fois outre-manche, c'est l'anniversaire de Lily Allen. Spéciale dédicace à mon petit Cola, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un chanteur qui estime que toutes les femmes sont des reines, et oui, c'est l'anniversaire de Dadju, le petit frère de Maître Gims. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et d'élever au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Spéciale dédicace encore, cette fois-ci à mon ami Théo Richard, puisqu'il nous a refait une coupe de cheveux de qualité que partage Eddie de Préto, et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 27 ans. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fête et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Et pour finir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la princesse Charlotte, fille du prince William et de Kate Middleton, qui est née en 2015. On fête également l'anniversaire de mon premier tatou que j'ai fait le jour de la naissance de la princesse Charlotte en Angleterre. En ce qui concerne le dimanche 3 mai, nous fêterons la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous souhaitons également une très bonne fête aux Jacques et aux Philippe. Si c'est votre anniversaire le 3 mai, sachez que vous partagez votre anniversaire avec plusieurs personnalités, comme Nicolas Machiavel, qui est né en 1469, cet écrivain et philosophe italien à qui nous devons le fameux « Le Prince » de Machiavel. Sur un registre musical, vous partagez votre anniversaire avec le chanteur de soul le plus connu, je pense, au monde, qui n'est autre que James Brown. Du côté musique française, vous partagez également votre anniversaire avec Feu Georges Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Et la même année que Georges Moustaki, le 3 mai 1934, c'est également la naissance du leader du groupe The Four Seasons et l'interprète d'une des plus belles chansons d'amour, Frankie Valli. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love. Côté homme politique français, eh bien sachez qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre Jean Lassalle préféré. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui ? Et un petit tour du côté des Belges, puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui de Célassou. Et voilà, c'était l'éphéméride du samedi 2 mai et du dimanche 3 mai. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à lundi pour la matinale. J'ai passé ma vie à affronter la pété. J'ai regardé ce que j'aimais vomir. Certains n'avaient bu que 3 shots. D'autres étaient si bourrés qu'ils ne tenaient plus sur leurs jambes. Mais l'heure est venue pour moi d'affronter la pété. Et si elle vient me chercher, c'est le point pété qu'elle trouvera. Rambo pété. Mais il y a un truc grave. Rambo pété. Bientôt sur vos écrans. Non, bientôt sur Radio Bon Con. Non. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Faut que tu cliques pour que ça valide. Tu l'as fait ? Oh putain. Rambo pété. Bientôt sur Radio Bon Con. Merci Chloé pour cette éphéméride et je crois bien que ce n'est pas ta seule surprise pour cette grasse matinale puisque tu nous as préparé un petit oups qui tombe extrêmement bien car comme tu l'as dit c'est l'anniversaire de notre Jadju préféré et donc tu as repris sa fameuse chanson Reine. Aujourd'hui je suis fatiguée. Je t'ai regardé dormir. Si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire tes pinko, t'as joué, je peux te m'baiser de nuit. Et tout va qui baiser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. S'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. S'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là pour encaisser au nom d'eux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. T'as pas besoin de moi, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille et Dieu sait combien j'aime ma famille. S'ils se demandent ce qu'ils sont curieux, s'ils te redemandent ce qu'ils sont envieux, ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Tu fais besoin de moi, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Oh ah. Au bout d'un moment, y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre eux. Et les coups du sort à ses parler. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est, c'est mon cœur dans ta peau. Je ne sais pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra contre tous les coups du sort. Et je le sais, je sens ses convaincus. Pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. T'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Waouh, waouh, waouh, j'avais pas du tout envie que ça s'arrête, j'avais envie d'écouter ça toute la vie, toute la life. Et pour se faire un petit plaisir, parce que la grâce matinale c'est aussi beaucoup de plaisir, on va réécouter mon extrait préféré de la chanson. Je vais prendre soin de sa fille. Ensuite, nous passons bien sûr à la chronique de Madame Mona, chronique qui s'appelle Chronique Nombril, que nous allons découvrir ensemble. Bonjour la grâce matinale. Comme sur Radio Boncon, on peut parler de trucs qu'on aime bien de façon totalement random, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit village paumé dans la campagne des Deux-Sèvres. Bon, dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais ce petit village s'est inventé sa propre mythologie et c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, moi ça me plaît bien. Rien que le nom du village, il est prometteur. C'est Pougne-Hérisson, Pougne de la poigne, et Hérisson comme l'adorable petit mammifère insectivore disposant de poils agglomérés, durs, hérissés et piquants. Mais bon, je laisserai le camarade Léo vous parler plus en détail de cet animal dans ses chroniques nature. Nous, revenons à nos moutons. Pougne-Hérisson, c'est une petite commune rurale située en pays de Gâtine. Plus précisément, au nord de l'Afrique, au sud du pôle Nord, à l'ouest de la Russie et à l'est des États-Unis et de Pétos. Pétos, c'est un petit village voisin de Pougne-Hérisson. Et sans que l'on sache pourquoi, ce village est l'incarnation du mal absolu. Ce sont les ennemis de Pougne-Hérisson. Sachez par exemple qu'à Pétos, on ferre les chats. Et une rumeur affirme que c'est de Pétos que partent toutes les rumeurs. Mais bon, je m'égare déjà, on est mal barré. Ce qui nous intéresse ici, c'est Pougne-Hérisson. Dans ce village, on trouve le nombril du monde. C'est un bloc de granit sur la place du village qui pousse tous les ans. En tout cas, c'est ce que racontent les villageois et ils n'en démordront pas. Il y a toute une légende qui part de ce nombril, alors je vais essayer de vous la résumer. Lors du Big Bang mythologique, dans une immense gerbe, le feu brûlant des histoires du monde s'est dispersé aux quatre coins de notre Terre, répandant le pollen d'histoires et de mythes. Une fois refroidi, Le feu s'est fait pierre de granit, minerai de conte où la parole se repose. Le rayonnement de ce minerai irradie les plus lointaines galaxies. Les géants sont donc venus des étoiles pour puiser les précieux éclats de granit et emplir leur vide intersidéral d'histoires éternelles. Il faut savoir que les géants ont eu deux sites de prédilection. L'Égypte, où ils ont laissé les pyramides et le sphinx, et Pougnérisson, où si l'on regarde avec attention les blocs de granit qu'on y trouve, on peut distinguer des pyramides inachevées et les vestiges d'un camp d'entraînement de géants laissé à l'abandon. La légende assure que sous le nombril du monde, là où le feu des histoires primordiales bouillonne encore, vit toujours un géant gardien des histoires. Jusqu'au Moyen-Âge, les troubadours de toute l'Europe viennent se recueillir à la source des histoires. Malheureusement, avec la guerre de Cent Ans, la mine abandonnée disparaît. Il faut attendre le 6 juin 1944 et le parachutage par erreur sur Pougnérisson de John Barney Ferguson, un anthropologue américain raté et méprisé de son pays, pour que la mine de Conte soit redécouverte. L'Américain rencontre alors Robert Jarry, forgeron du village, qui va devenir son ami. Ensemble, ils vont mettre en lumière le rôle prépondérant de Pougnérisson dans le monde, en révélant sa vocation de nombril du monde. Ils deviennent les pères de l'ombilicologie, l'un travaillant sur la transformation des histoires en pierre, l'autre fabriquant des machines pour faire parler les cailloux. John Barney Ferguson rédige une thèse. The Nombril, Why, How. Mais cette dernière dérange et disparaît avec son auteur dans l'incendie de la grande bibliothèque du village le 30 juillet 1958. Robert Jarry décide tout de même de poursuivre sa quête, faire revenir les histoires à Pougnérisson. Il travaille alors à la construction de machines paléo-futuristes qui serviraient à capter les mythes. Malheureusement, ses inventions n'ont jamais fonctionné de son vivant et il meurt en 1976, tombant dans l'oubli, jusqu'à ce que Yannick Jolin, un conteur que vous avez peut-être la chance de connaître, découvre les travaux perdus de ces deux ombilicologues en 1990 et partage cette mythologie avec la population en créant un festival de spectacles célébrant le nombril du monde. Ce festival se déroulait toutes les années paires, jusqu'en 2014, mais il s'est arrêté. Et c'est vraiment dommage parce qu'on y trouvait des événements vraiment cool. Comme par exemple le jumelage avec l'étoile polaire, le salon de la voyance et du fourrage, le premier festival international du film et des histoires de tracteurs, où se sont déroulées des parades de tracteurs customisées, et un drive-in de tracteurs, toujours. Un cabaret pour vaches, où l'on pouvait regarder des vaches qui regardaient des comédiens jouer pour elles, du maquillage de nombril, des concours de bronzage agricole ouverts à tous ceux qui avaient des belles traces de Marcel, et tout plein d'autres activités de cet acabit. C'était vraiment un chouette mélange entre le monde du spectacle et le monde bien rural à base de patois et de grosses campagnes. Et ça donnait un joyeux bordel. Donc c'est bien dommage que ce soit terminé. Cependant, on peut toujours retrouver toute la mythologie de Pougnérisson en allant visiter son jardin d'histoire, où il se passe tout plein d'événements culturels d'avril à septembre quand il n'y a pas confinement. Le jardin d'histoire, c'est un lieu à écouter autant qu'à voir, mi-musée d'art brut, mi-parcours sonore, mi-molette. On y trouve par exemple la machine à tarabuster le minerai de Conte. C'est une machine qui secoue les cailloux pour leur donner un choc émotionnel qui fait ressortir les histoires. Donc voilà, ce genre de truc, c'est assez représentatif de l'esprit du jardin d'histoire et de tous les trucs étranges fabriqués de briques et de propres, comme on dit, qu'on peut y trouver. Après, moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc si un jour vous souhaitez y aller, faites-moi signe, parce que je suis toujours chaud pour ce genre d'expédition. Et en plus, il y a les Marais Poitevin juste à côté, un lieu de vacances top tendance que tous les influenceurs recommandent, où on trouve de super bonnes glaces au lait d'ânesse, entre autres. Voilà, j'ai fini cette chronique au pif, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon matin gras. Les bisous! Merci Mona pour toutes ces belles informations, pour toutes ces découvertes. On va tout de suite écouter une petite chanson que j'ai sélectionnée car vous savez que la grâce matinale c'est aussi des découvertes ou redécouvertes musicales et qu'on est vraiment au top sur la bonne musique, la musique de qualité. Je vous laisse écouter cette chanson et si vous voulez vous enregistrer pour faire un petit oups par-dessus, franchement allez-y, faites-vous plaisir, réveillez vos voisins. Yeah. Oh. venez d'écouter Concerto pour deux voix, une pièce musicale composée par Saint-Preux en 1969 et interprétée en 2005 par Clémence Saint-Preux, donc qui est la fille du compositeur, et Jean-Baptiste Monnier, que vous connaissez bien car vous avez pu le voir, le découvrir dans Les Choristes. Alors peut-être que vous connaissez Clémence Saint-Preux. Elle a fait un duo avec Johnny Hallyday. Et puis en 2015, elle a participé à The Voice. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regardent The Voice. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, vous pourrez peut-être... peut-être que ça vous dira donc quelque chose. En tout cas, j'espère que vous aurez cette chanson dans la tête toute la journée. Hein, c'était un peu le but hein, de la diffusion. Et je vous laisse avec quelques mots de Monsieur Pascal Gendry. Une playlist terrible, terrible, des invités sensationnels. C'est la radio des bons cons. Tatatin, bonjour, c'est Renaud sur la radio des bons cons. Je vais vous faire une petite poésie. Vœux pieux. Que délestés enfin du poison de l'angoisse, nos âmes s'élèvent dans de somptueux espaces. Loin des médiocrités, des crétins irritants que nos contemporains ont choisis pour régents. Pouvoir enfin planer au-dessus des menaces que profèrent ces tarés déguisés en élites qui n'ont pour horizon que celui de leur bite. Qu'elle soit trop grosse ou bien trop petite, elle occupe tout l'espace de leur triste occiput. Que l'avenir nous préserve de ces idiots turgescents, et s'ils viennent à nouveau menacer de leurs glands, tenons-nous sur nos gardes, prêts à l'insurrection, car c'est un droit de choisir qui nous met dans le fion. Ta-ta-tan. Vous n'en vouliez pas, et pourtant c'est la radio Boncon. À mon corps défendant, une âme éperdue, à mon corps défendu par une âme de perdant, à ce fruit défendu, aux langues de serpent, au paradis perdu, aux femmes ingénues, à la pomme d'Adam, aux affreux amants, aux petites vertus. Aux questions initiales, aux solutions finales, aux solutions fatales, à mes risques et périls, aux périls de ma vie, aux armes égales, à la médecine légale, à ces morts qui nous tuent, à ces morts qui nous tuent, à ce petit jeu-là où je me suis laissé prendre, à ce petit jeu-là où je suis sûr de perdre, à tous ces rendez-vous où je devais me rendre, à toutes ces évidences où je me suis rendu. On ne m'a pas attendu. On ne m'a pas attendu. Au nom de la science et de la bienséance, aux dégoulinants de bons sentiments, aux donneurs de leçons, aux sondeurs d'opinion qui ont pignon sur rue, qui nous prennent pour des cons en nous comptant dessus comme on compte les moutons. À ceux qui font l'actu, ceux qui nous divertissent, ceux qui nous pervertissent, ceux qui font diversion pour qu'on signe l'armistice comme de gentils moutons. À la première, à la deuxième, la troisième sommation. Attention, je dégaine, je tire. Mes conclusions. À la première, la deuxième, la troisième sommation. Attention, je dégaine, je tire. Attention, mes conclusions. Mes conclusions. Je rêve évolution. Je rêve évolution. Je rêve évolution. Je rêve évolution. Thank you. Merci beaucoup Pascal. Alors on arrive malheureusement déjà à la fin de cette grasse matinale. Elle aurait pu durer plus longtemps si vous m'aviez envoyé des chroniques, bien sûr. Mais je remercie ceux qui m'ont envoyé des chroniques. C'est juste que comme c'est participatif, eh bien, si j'ai rien, bah, il n'y a pas de grasse matinale. Et ça fait déjà 3 semaines qu'il n'y a pas eu de grasse matinale. Et de toute façon, il en restera qu'une à la fin. Donc si vous m'envoyez rien cette semaine, il n'y aura pas de dernière grasse matinale. Et cette grasse matinale sera donc la dernière. Donc c'est un peu dommage. Mais on ne se quitte pas tout de suite puisqu'il y a le jeu de fin de Grasse Matinale qui est bien sûr le jeu où je vais vous diffuser un extrait de film à l'envers et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit ainsi que de quel extrait dans le film c'est, de quelle scène en fait. Donc on avait eu par exemple la scène du choix pot magique dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et le monologue d'Edouard Baird dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà, donc c'est assez simple en général. Et donc je vous invite à tout de suite aller faire un tour sur le Discord pour me donner vos réponses. Et moi je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas qu'il y a également un concours de Oups pour le point pété. Donc la chanson sélectionnée, c'est la chanson Oops, I Did It Again de Britney Spears. Que vous pouvez réinterpréter, bien sûr, à votre sauce. Vraiment, vraiment à votre sauce. Voilà. Passez un bon week-end et gros bisous à tous. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Say! No, we hope she's there. What? She's it. Yeah, you know, see, and the crew slowed me up on that. Yeah, she's ending her life. Shit. Enough, because. Morning on Radio Boncon. C'est la grasse matinale de Radio Boncon avec Souk. Soukoline. Je m'appelle Soukoline.